Chapitre 30e. Vers la fin d'avril, Jacques avait fini son tableau et le triptyque était parti pour le salon. Un soir qu'il n'avait rien à faire, il monta près dîner chez les Passemard, où des exclamations et des reproches saluèrent son entrée dans le salon. « Bonsoir, revenant !» cria Hector. « Tu es donc encore de ce monde ?» Il s'excusa d'être resté si longtemps sans venir, en alléguant qu'il avait eu beaucoup à travailler depuis sa dernière visite. André, qu'il n'avait pas remarqué encore, car elle était assise au fond du salon dans une immense bergère qui la cachait presque, se leva et lui tendant la main. « Soit dit sans reproche, vous alliez pourtant au théâtre, car je vous ai aperçu à l'opéra il y a 3 semaines à peu près. C'est vrai. Vous étiez même dans la loge de la baronne de Royaumont, et en compagnie d'une charmante jeune fille dont on n'a pas pu me dire le nom, qui est-elle ?»« Mademoiselle Blanche Hauteclerc, la fille du médecin. »« Ah ? » J'espérais que vous seriez venu me dire bonsoir. Vous étiez trop occupé, sans doute. Veuillez m'excuser, madame, je ne vous avais pas remarqué. » Il retrouva pour dire ces mots le ton glacial qu'il avait pris déjà en lui parlant lors de son retour. Lorsqu'elle avait entendu pour la première fois cette voix brève et dédaigneuse, André avait été surprise. Ce soir-là, elle souffrit. Sans rien ajouter, elle regagna sa place et resta là, immobile et muette, disparaissant à demi dans l'ombre. La tête renversée sur le dossier, elle semblait dormir. Mais de ses paupières mi-closes s'échappait un regard qui ne quittait pas Jacques. « Alors, disait Madame Passemard, tu as beaucoup travaillé. »« Beaucoup. »« Commences-tu à vendre un peu ?» interrogea Passemard. « Mais oui, pas mal. »« Allons, tant mieux. »« Je connais des peintres qui ne pourraient pas en dire autant. » ajouta le beau-père du vicomte en jetant un coup d'œil sur sa fille. « Et qu'est-ce que tu viens de faire ces temps-ci ? » ?»« Un grand tableau pour le salon. » « Tiens, » dit Maxime, « c'est comme mon beau-frère. Il a trouvé le moyen d'avoir une place dans le salon carré. Et toi ? » ?»« Je n'en sais rien encore, mais j'espère qu'on m'y mettra aussi. » « Je ne te souhaite pas d'être à côté de lui, » dit Passemard en riant. « S'il était ici ce soir, au lieu de nous avoir quittés après dîner comme d'habitude pour aller à son cercle, mon gendre t'expliquerait que son tableau va faire une révolution dans l'art. » « C'est aussi ce qu'il disait de son drame. » insinua Madame Passemard avec une douceur haineuse de belle-mère. Jacques s'attendait à voir André prendre la défense de son mari. Elle ne souffla mot. La conversation continua à bâton rompu. On causa de tout, de l'exposition qui allait s'ouvrir, de la politique, des jésuites, que M. Passemard voulait expulser au nom des lois existantes, et des lois existantes sur lesquelles celui-là même qui les invoquait avec conviction paraissait avoir des notions extraordinairement vagues. Jacques apprit que le vicomte était résolu à racheter son échec d'auteur dramatique par un grand succès de peintre et qu'il y avait une locomotive dans son tableau. « Oui, oui, une locomotive, » affirmait Madame Passemard, « et un tunnel. Ça t'étonne, n'est-ce pas ? Eh bien, il paraît que ça doit donner un effet de lumière. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Ce dont tu nous as dit un mot la dernière fois, sans doute ? Non, j'ai changé d'idée depuis. » « Et quel sujet avez-vous choisi ?» dit André en se rapprochant. « Caïn, madame, » répondait-il froidement, en plongeant dans ses yeux un regard dont elle ne put supporter l'éclat. Pendant que Jacques, sans plus s'occuper d'elle, prenait congé, la jeune femme s'était laissée glisser sur une chaise en murmurant « Ah, mon Dieu, toujours !» Le lendemain était jour de vernissage. André se rendit de bonne heure au salon. À l'entrée, les quêteuses commençaient déjà à harceler les arrivants avec l'édifiante ténacité qui caractérise cette obsession annuelle. Des employés du palais passaient et repassaient précipitamment, roulant des échelles. Des exposants en retard donnaient un dernier coup de pinceau à leur toile, en maudissant le jury, coupable de ne leur avoir pas donné à tous la cimaise. Une odeur d'essence et de vernis se répandait des salles du premier étage dans l'immense vaisseau vitré du rez-de-chaussée, où la blancheur des marbres s'enlevait vigoureusement sur la verdure des massifs et des tapisseries de haute lisse. André entra dans le salon carré, auquel accède l'escalier qu'on prend en venant par les Champs-Élysées. Il y avait foule devant un grand tableau à 3 compartiments, au bas duquel se détachait en lettres rouges sur le cadre de bois noir ce seul mot « Caïn ». La jeune femme eut un battement de cœur et s'approcha rapidement. Elle ne distingua rien d'abord. Son regard allait d'un panneau à l'autre, au hasard, ne sachant encore où se poser, comme il arrive quand on voit pour la première fois une toile hors ligne. Enfin, elle se mit à examiner le détail de la composition. Tout à coup, son visage se couvrit d'une pâleur affreuse. Car elle venait de découvrir la ressemblance vengeresse que Jacques avait cachée dans les trois têtes. Alors elle eut peur. Regarda autour d'elle si personne ne s'était aperçu de rien, et rabattit sur sa figure le voile de gaze brune qu'elle avait relevé en entrant. Son premier mouvement avait été de quitter la place, de s'enfuir. Il lui semblait que tout le monde devait la reconnaître et devinait le drame. La curiosité la retint, le besoin de regarder encore et d'écouter ce que l'on disait. Les épithètes admiratives s'entrecroisaient. Admirable, splendide. C'est un chef-d'œuvre. Voilà la médaille d'honneur toute trouvée. Quel coloris! Voyez donc ces verdures, et ce paysage de gauche, et ça c'est limpide, et ça c'est profond. Quelle expression dans les têtes! Voyez donc celle de la femme, comme elle est étrange. Oui, et d'une beauté troublante. On comprend que Caïn est tué pour cette femme. André releva son voile et promena sur ses voisins un regard assuré. Elle n'avait plus peur. Une bouffée de fierté lui montait maintenant au cerveau. La jeune femme aurait souhaité qu'on la reconnût. Je ne sais quel désir fou lui venait de crier. « Regardez-moi donc, c'est moi qui inspirait ce chef-d'œuvre, moi de qui ce grand peintre a copié les traits, moi qui l'a aimé. » Une rougeur, non de honte, mais de plaisir, colorait ses joues. Un souffle d'orgueil et de passion gonflait ses narines. Pour la première fois de sa vie, elle savourait un de ces triomphes dont elle avait toujours souhaité de connaître l'ivresse. Des noms passaient dans son esprit, Béatrix, Laure, la Fornarina, toutes celles que le génie d'un amant a immortalisées, et dont il lui semblait qu'elle était devenue la sœur. Un célèbre critique d'art, dont le nom courut aussitôt dans la foule, fendit le groupe et vint se placer auprès d'elle. Il regarda longuement et dit à quelqu'un qui l'accompagnait « Voilà une page magistrale. Je ne sais ce qu'il faut admirer le plus, de la puissance et de l'originalité de la conception, ou de la splendeur du coloris et de la vigueur du dessin. Voyez donc ce qu'un homme de talent s'est tiré d'un sujet que tant d'autres auraient dédaigné comme usé et vieilli, ou traité sans le rajeunir. Quelle idée profonde d'avoir fait jouer à la femme un rôle dans le premier meurtre, comme dans le premier péché, et de compléter la Bible qui la montre seulement tentatrice d'Adam, en nous la montrant aussi instigatrice de Caïn. Savez-vous qu'il y a dans ce tableau-là, ce que je ne trouve presque jamais ici, une pensée ? André lui jeta un regard reconnaissant et sortit du cercle. Elle éprouvait le besoin de se montrer, de chercher des visages de connaissance. Elle espérait vaguement rencontrer Jacques et se féliciter avec lui de leur succès. Car elle était grisée par ce qu'elle venait de voir et d'entendre, au point de perdre un peu terre, et n'était pas loin de penser qu'une partie de la gloire conquise par son ancien ami lui revenait à elle. Tout à coup, André se trouva en face du tableau de son mari. Une locomotive qui sort d'un tunnel en jetant de la fumée. Deux grosses lanternes exécutées en trompe-l'œil, éclairant de reflets rougeâtres la voûte couverte de suie. Au premier plan, une femme en toilette de bal, étendue à terre, la tête posée sur un rail. Quelques personnes s'arrêtaient un instant devant cette composition d'un réalisme grossier, où la brutalité avait la prétention d'être la force et la bizarrerie l'originalité. Le public s'éloignait bientôt d'un air de parfaite indifférence ou de dédain. André vit des sourires et des haussements d'épaules. Elle s'approcha et saisit au vol ces sarcasmes lourds et cruels qu'on laisse échapper dans les expositions, comme les enfants lancent des pierres dans la rue, sans se demander si quelqu'un ne sera pas atteint. Joli effet d'éclairage au pétrole. Très naturelle, cette femme en robe décolletée, allongée sur la voie. Ça aura du succès le dimanche auprès des machinistes en congé. Connaissez-vous l'auteur? Oui, un aiguilleur repentant de PLM. Et l'on riait aux éclats de ses grosses facéties. Le critique influent s'approcha à son tour. Décidément, ce Morincourt abuse du droit qu'on a d'être prétentieux et médiocre. Comprend-on qu'on ait reçu une pareille chose? Ce jury est d'une faiblesse. Et quand je pense qu'on a osé mettre ça dans la même salle que le Caïn. André s'éloigna, pâle, les sourcils froncés, avec la mauvaise figure qu'elle avait quelques mois auparavant en sortant de l'Odéon. La réalité qu'elle avait oubliée pendant quelques minutes d'étrange enivrement venait de la ressaisir. « Et c'est ce nom-là que je porte, » se disait-elle avec plus de colère encore que d'humiliation. « C'est ce poète sifflé, ce peintre ridicule qui est mon mari, et je n'ai pas voulu de l'autre, du grand artiste qui m'aimait. » Et elle passa dans la salle voisine, sans trop savoir où elle allait, sans répondre presque au salut de M. de Salbris, de Derieux et de Passérieux qu'elle rencontra. Puis elle revint sur ses pas, pour sortir, échapper à l'odeur de peinture qui lui faisait mal à la tête. En rentrant dans le grand salon, elle aperçut M. de Garamante au bras de Jacques, devant le tableau de son mari. Un peu plus loin, le vicomte regardait le triptyque. Elle alla droit à Roger, d'un air audacieux, presque provoquant, lui dit « Eh bien, comment trouvez-vous cette toile ?» André pensait que son mari avait remarqué cette vague ressemblance qu'elle-même n'avait pas tardé à discerner, et se préparait à lui tenir tête le cas échéant. Mais il faut croire ou que les maris sont condamnés à ne jamais rien voir, ou que la ressemblance était moins accusée qu'il n'avait paru à la jeune femme, car Morincourt lui répondit avec tranquillité « Je la trouve un peu pensive. Cela sent toujours les procédés de l'école des beaux-arts, c'est bien banal. » Il détourna la tête, assez tôt pour ne pas rencontrer le regard de dédain suprême dont sa femme l'accabla. Elle prétexta une violente migraine pour ne pas rester avec lui et le laissa continuer seul sa visite. La foule grossissait toujours dans le grand salon. Un groupe compact se tenait en permanence devant le triptyque de Caïn, et les éloges des nouveaux arrivants ratifiaient pleinement l'admiration exprimée par les premiers. Pour gagner la baie de sortie, André fut obligé de louvoyer un peu et se trouva tout à coup en face d'Henriot et du comte. Jacques salua avec cette politesse froide et hautaine dont il ne se départait plus depuis son retour lorsqu'il se trouvait en présence de Madame de Morincourt. Il ne paraissait nullement disposé à engager la conversation, mais cette indifférence systématique n'empêcha pas André de lui dire « Je suis heureuse, Jacques, du grand succès que vous allez remporter. » Il s'inclina légèrement et ne répondit pas. « N'avais-je pas raison, madame, dit M. de Garamante, de vous affirmer que notre ami avait rapporté d'Orient le secret d'un coloris que nous ne lui connaissions pas ? Et quelle façon originale, imprévue, de traiter un si vieux sujet, n'est-ce pas ? Je suis tout à fait de votre avis, monsieur, répliqua-t-elle d'un ton sec et cassant. Puis, feignant de regarder un tableau, elle tourna le dos au comte et se rapprocha d'Henriot, qu'une ondulation de la foule avait écarté de quelques pas. « Jacques, dit-elle d'une voix très douce, dont la caresse allait presque jusqu'à la supplication. J'avais prié M. de Garamante de vous faire savoir que je suis chez moi tous les soirs avant le dîner. Il ne vous a pas fait ma commission, sans doute. Je vous demande pardon, madame, mais je n'ai pas eu jusqu'ici le loisir de me présenter à votre hôtel. N'oubliez pas que vous y serez le bienvenu. J'aurai tant de plaisir à vous voir. À bientôt, n'est-ce pas ? » Et glissant de la foule, elle disparut. « Eh bien, dit en se rapprochant de Jacques, le comte, qui avait entendu les derniers mots de la vicomtesse, elle vient de vous faire son invitation. Comptez-vous aller chez elle ?»« Jamais, répondit-il résolument. Regardez le panneau de droite de mon triptyque. Caïn est seul. »